reprit Camaralzaman avec étonnement. Je ne le connais pas, jamais je n'ai eu affaire à lui, et jamais je n'ai mis le pied dans son royaume. C'est ce que vous devez savoir mieux que moi, repartit le capitaine. Vous lui parlerez vous-même, demeurez ici cependant, et prenez patience. Scheherazade fut obligée de mettre fin à son discours en cet endroit, pour donner lieu au sultan des Indes de se lever et de se rendre à ses fonctions ordinaires. Elle le reprit la nuit suivante et lui parla en ces termes. Fin de la 203e nuit, section 58. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.